pas mieux ne jamais avoir vécu. Plutôt que l'espoir d'être heureux, de voir le bonheur au loin qui s'éteint, que jamais plus tu n'arriveras à rallumer ce bonheur là. Là-bas, qui s'en va. Il s'en va. Ne vaut-il pas mieux ne jamais avoir vécu plutôt que de vivre en bas, tout en bas de soi. Au minimum de ce que l'on peut être, au minimum de ce que l'on est, de minimum, au minimum, voire même plus bas de ce que l'on pourrait être, au minimum. Alors, le maximum est passé, le maximum est loin de soi, loin de toi. Ça, et puis en fin de compte, tout passe. Un homme a dit un jour, on ne fait que bouger les pierres, elles sont là depuis bien plus longtemps que toi. Elles sont là depuis bien longtemps que toi. Tu fais quoi là? Tu passes, puis après tu trépasses. Qu'est-ce qu'on garde de tout ce que l'on a fait, de toutes nos idées, de tout? Qui se souviendra de toi?